Hey, assalamu alaikum, ici c'est Monsieur Tambola. En boîte de nuit, tu es toujours assis. Tu sais pas danser le logobi ou la chiriri. C'est pas grave, c'est là, c'est pour toi. Quand t'as sauté, eh eh, quand t'as sauté, eh eh, doucement. La danse qui va arriver, c'est la danse de Chant de Paul suivie de la danse de Thierry Quentin. 1, 2, 3, 4! Hey! Chant de Paul, Chant de Paul, Chant de Paul. Hey! Chant de Paul, Chant de Paul, Chant de Paul. Hey! Chant de Paul, Chant de Paul, Chant de Paul. Hey! Chant de Paul, Chant de Paul, Chant de Paul. Thierry Quentin! Mesdames et messieurs, après Chant de Paul et Thierry Quentin, tu reprends ta corde à sauter. D'accord? 1, 2, 3, 4! Corde à sauter, eh eh! Corde à sauter, eh eh! Doucement, mais fais doucement! Position 1, 2, position 1, 2, c'est bon ça! C'est bon ça! Mitraillette à droite! Mitraillette à gauche! Position 1, 2, position 1, c'est bon ça, c'est bon ça. Si tu sais pas danser, le logobi Tambola va te montrer comment on danse ici. Si tu sais pas danser, le logobi Tambola va te montrer comment on danse ici. Stop. Donc maintenant tu prends ta corde à sauter, tu fais doucement, tu te mets en position et c'est bon ça. 1, 2, 3, 4. Corde à sauter, eh eh. Corde à sauter, eh eh. Doucement. C'est bon ça, c'est bon ça. Mitraillette à droite, mitraillette à gauche. Position 1, 2, position 1, 2, c'est bon ça, c'est bon ça. Stop. Mais vous faites quoi là? Vous savez toujours pas danser le logobi tambo? Bon Dieu cochon. Hey, bon Dieu cochon, bon Dieu cochon, bon Dieu cochon. Bande de cochons, hey! Bande de cochons, bande de cochons, bande de cochons, bande de cochons. Hey! Nous, on est contents, toi tu n'es pas content. Ça s'appelle la jalousie. Mais ne t'inquiète pas, on a quelque chose pour toi. Ferme-la, ferme-la, ferme-la, ferme-la, hey! Ferme-la, ferme-la, ferme-la, ferme-la, hey! Ferme-la, ferme-la, ferme-la, ferme-la, hey! Ferme-la, ferme-la, ferme-la, ferme-la, hey! Logobi Tambo, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, Monsieur Tambola, il est là, Monsieur Tambola.